là devant toi. Aucune parole ne sortait de moi. Quand j'étais devant toi comme ça, aucune sensation réveillait mon corps. Emmenez-moi, mais faut pas dire, faut pas faire de faux pas. Faut pas dire faut pas. Une fois que je ne te connaissais pas, je ne savais pas pourquoi mes faibles pas. Que j'apprenne à te connaître pas à pas, par les pas, que j'apprenne à te connaître pas à pas. Mais fallait pas dire faut pas. Fallait pas de dire non, fallait pas dire faut pas. Pourquoi? Sans aucune retenue, j'ai affronté ta vertu. Dire faut pas. Oh, fallait pas. Dire faut pas. Fallait pas. Dire faut pas. Testostérone dans mes veines, ce n'était pas ta veine, ce n'était plus la peine de dire faut pas, car maintenant j'étais sur toi. Mais fallait pas, non. Mais fallait pas faire de faux pas, fallait pas. Peut-être malsain, j'étais pour toi. Mais bon, t'aimais ça. Mais tu m'as dit que j'allais mourir. Je me suis mis à souffrir. Fallait pas faire ça. Fallait pas faire de faux pas. Faut pas dire faut pas.